Le cœur volé. Pour ce poème, on trouve parfois deux autres titres, Le cœur du pitre ou Le cœur supplicié. Mon triste cœur bave à la poupe, mon cœur couvert de caporal. Ils y lancent des jets de soupe, mon triste cœur bave à la poupe. Sous les colibés de la troupe qui pousse un rire général, mon triste cœur bave à la poupe, mon cœur couvert de caporal. Ityphaliques et piupiesques, leurs colibés l'ont dépravé. Au gouvernail, on voit des fresques, ityphaliques et piupiesques. Ô flot, abracadabrantesque, prenez mon cœur, qu'il soit lavé. Ityphaliques et piupiesques, leurs colibés l'ont dépravé. Quand ils auront tari leur chic, comment agir? Ô cœur volé, ce seront des hoquets bachiques quand ils auront tari leur chic. J'aurai des sursauts stomachiques, moi, si mon cœur est ravalé. Quand ils auront tari leur chic, comment agir, ô cœur volé?